Nous ne sommes qu'au début de cette pandémie. Il s'agit d'une menace sérieuse pour la santé publique qui appelle des mesures musclées pour nous protéger. So we keep on fighting cause of militants. Can you show my body by my soul is infinite. Drinking medication since I can't do education. Nobody in the soul has to deal with heartache. Yeah, I'm a brother talking about some people. Pour le virus propage le monde entier, fais ta tassion. Ça me donne Seigneur, pourquoi pitié ces pandémies? Ça nous détruit, ça fait périr. Ce virus est contagieux, c'est protégé. Éviter les endroits bondés, tout personne en bout de ma beau côté. Malade profond, tout ça, ça. Coronavirus et yéma bille, tout ça la éteigne n'amboka. Tout y est bas, commis, battez la bouille, y'a un bon des os, c'est bon. Avant tout, c'est la vie lumière, ne pas trop s'y frotter les yeux. Tout vendre dans la palette, tout y est maté. C'est coronavirus, tout y est bella. Tout y est bella. Coronavirus, coronavirus, c'est bon, mi papa, papa, maman, mi colo, beba, naba, coco, bébé. Oma. Anatuni, Atanzame, coronavirus, outane wape, onami tuni, natanwakala toye bakayo tokoteli na moka na ngako. Les artistes ainsi que nos cadres. 4 disons sont passés par un demi. A qui nous sommes en plus de 4. Tandis qu'à Chine c'est plus de 1000. Le mess, faut tous se battre. Quand toi y'a pas toi y'a néglige de porter de masque. Dans votre commis banine ça sauve. Le tube partout sur la terre. 2 milliers de morts ça fait peur. Pire de 9, Covid-19, stop pas en affaire. Le détail du genre sanitaire. Lutte quand c'est crise humanitaire. Ça tue nos vies, plus terre y'a ça vie. Stop pas en affaire mon ami. Même visible notre ennemi. Ensemble lutte quand c'est pas un ami. Elle fait un coup de nos économies. La prudence ça va. Domi Bagheera, Domi Kedisa. Ton ami risque trop bon ma yébela. Domi Bagheera, Domi Kedisa. Ton ami risque trop bon ma yébela. Épidémie diabolique vaut une mort pas pendaison. Hors de nous, hors de moi car la terre c'est ma maison. On fait la guerre, la lutte, on fait la guérison. N'a pas mis Miami, ce mezzo tanga na motema. Ma tanga everyday sans ennui et zoboma. Tomi lengele, mi batele face à coronavirus. Ouvrez-vous la bouche. Elle est née avec un mouchoir à jeter à garder tout et éternellement. Oh man. Raja, pour vous protéger, protéger les autres, les sous-aimés, santé, yayas, yamak, lave les mains, lave les mains, lave les mains, lave les mains, lave les mains, lave les mains, lave les mains, Ikalaï, Bajumuka. Banabretou, Sama, Titi, Koko, Titi, Titi, Titi, Pakano, Jibu, Pota, Nyabe, Yonson, Sukulaï, Bianza, Nuni sabanga, ya. Walu bukole, bitu di tout tatisha, tatisha. Fièvre jaune, Ebola, et now un nouveau virus qui tue sans pitié, man. Je vois ma mère pleurer et mentionner maman sèche tes larmes. Et suis bien les instructions sanitaires pour éviter le virus. Bien vaut mourir avec une batte dans la tête que de me voir crever avec les coronavirus. Kabula galo ya kendoko, yo sanga malade ka corona. La omu mabajo chinana, ikamwene lo kita trape ho. Kagome kamyo, ise yo, kagome kamyo. La vie n'a pas de prix. Nous devons tous nous protéger pour ne pas être pris. Le nombre de morts par milliers, bah ouais c'est trop triste. Le corona existe, bien en vrai je suis trop triste. Panique pas, c'est pas la fin, il nous faut du maîtrise. Restons tous en confinement, faut pas qu'on le méprise. Nous avons dit que si y'a Alpha et l'Omega. Papa n'y n'a mounou, Tommy l'aigle, Tommy bat la main. Non c'était n'a pas de prix. Ce rôle-là m'a beaucoup respecté la distance. Coroné pour mi-mondaté, capité. N'a qu'au sengal et suri n'a penza kati n'a mon kili. Talande que baïme bakoufi n'a moni n'a bilili. Asi vous plaît, papa gagne la gagne. Pourquoi comme ça? Réalité, retour en date, si t'es mon lit. Hey, bitié, papa, pour n'a pas hérité. Yo, la tête, bitié, t'as pas comme un robot, maman, qui l'est. Choka, choka, choka, choka, choka. Banabé, tout va foua. Allez, choka, papa, n'y n'a moun, va me foua. Allez, choka, choka, choka, choka, choka. Bato, bagouine, go. Oh, abatte là. Sina o maladi, coronavirus. Ato ambo vola ba, ato ambo vola gaji, ato ambo vola. Choka, choka, choka, choka, choka. Ale choka. Choka, choka, choka, choka. Balabe tu me vois.